Jeff Kabeya, Pascal Pobaye Lissoso, Katia Berbelina Palapala na Bandala, Edi Bamba. Zela, tango etana, oye ba souci a moto na moto, zela. Tala, basusu na zando, basusu na babiro, kasi basusu mitelengano. Zela eh, midi ebeta, otala nzungu ya moto na moto, zela. Tala, basusu bandunda, kopondu, basusu elangwate, kasi basusu misuni. Zela eh, putu elinda, oye ba atrasa ya moto na moto, zela. Basusu na ba chato, kasi basusu libanda. Mama na kufa, jipe berbele, amida chature, kige kuyenga sideji, wa makoko. Meka, potu na bakwayo, ante riche pauvre, nanine mubola. En realite, bisonyo so babola, so kizabe ayelelo, nani akuzanga eta de besoin. Vraiment, le mal de vivre, maladie nango incurable, qui si na yango diwa. Ah, papa Ibe, Merla Kano, Jacques Ilunga, je sais. Besanga la paix, besanga mama, nako pesa yo papa, dine langa ibutu, nako pesa yo. Ai, pesanga salé, mama ye, pesanga question, anga yo pesanga vérité, na kei. Il n'y a rien pour rien, awana la vie, il y a un temps pour tout, Bible et l'obaki, le monde est vertu, ce que l'on y okozua, kasi doza impatient pour na cause la récolte. Kasi doza egoiste po na kope sa baninga. Yango ase souvent toko zwa kaba échec. Yango ase souvent toko zwa kaba probleme. Mais y'a un temps pour tout Ecclesiaste à l'obaki. Eh, Boulou tout zola Toms Bakajika de Pasco. Oh, Chez Séraphin Bollé.